Bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité au 107. Nous sommes une heure sur Radio Guémozo pour l'émission La parole est à vous. Alors, bien cette fois-ci, une fois de plus, avec un magazine juridique, avec la présence de Nancy. Bonsoir Michel, bonsoir à tous. Nancy, que je présente chaque fois quand même pour rappeler ses compétences, c'est-à-dire que Nancy est avocate au barreau d'Épinal, docteur en droit. Voilà, et Nancy a souhaité parler aujourd'hui des retraites. Bien sûr, c'est d'actualité. Je crois. Plus particulièrement des retraites, bien sûr, qui vont être mises en cause, enfin des cotisations de retraite qui vont être mises en cause au niveau des avocats. Tout à fait. Voilà. Effectivement, le projet de réforme pour les avocats est très, très, très pénalisant. C'est un euphémisme, puisque, on l'a assez dit, nous avons une caisse autonome et non pas un régime spécial. Et qu'aujourd'hui, je pense qu'on va y revenir... Comme d'autres professions. Comme d'autres professions, puisque dans le collectif SOS Retraite, on a un certain nombre de professions, médecins, infirmiers, kinésithérapeutes, chirurgiens, orthophonistes, psychomotriciens, orthoptiste, expert comptable, commissaire aux comptes. Enfin, ce qu'on appelle les professions libérales. Professions libérales, et on a une caisse autonome et non pas spéciale. Donc nos dirigeants ont fait l'amalgame sciemment pour faire la confusion des genres en disant qu'on avait un régime spécial. Non, on a un régime autonome. C'est un régime qui est complètement excédentaire, qui est équilibré de par la gestion rigoureuse et planifiée de nos instances. Une démographie favorable aussi. Une démographie favorable, mais on a anticipé bien évidemment les conséquences de la démographie et on a une visibilité à peu près à 2079. On est donc en capacité de financer les retraites. On a un système qui est solidaire à l'intérieur même du régime, c'est-à-dire que les avocats qui gagnent le plus sont solidaires de ceux qui gagnent le moins. Et on est également solidaire du régime général, puisqu'on reverse entre 80 et 100 millions par an d'euros pour le régime général. Donc aujourd'hui, ce projet de réforme veut quoi ? Veut simplement nous absorber dans un système dit universel, qui, on le verra peut-être au fil des débats, n'est plus du tout universel compte tenu des spécificités qui sont négociées une à une. Mais on veut nous spolier complètement notre régime et on veut nous voler, parce que le terme n'est pas, à mon avis, exagéré, on veut nous voler 2 millions d'euros de réserve qu'on a constitué, que nos anciens ont constitué et que aujourd'hui on veut englober dans un système qui universel qui ne donne aucune garantie et qui nous spolie complètement de notre propre régime. Voilà, on va y revenir. Oui. Je voudrais faire un peu la genèse de l'idée de retraite de Colbert à La Roque. Alors ça nous paraît assez loin, Colbert, n'est-ce pas, dans l'histoire de France. Il n'empêche. Si la retraite apparaît aujourd'hui comme le corollaire d'une vie active, hein, ce qui est le cas, il n'en est pas toujours été ainsi. Pendant des siècles, le sort des vieillards relève de la solidarité intergénérationnelle ou de la charité des organismes religieux ou parfois d'un secours professionnel comme celui des corporations au Moyen-Âge. La notion même de retraite a été très lente à émerger. Et puis d'ailleurs, dans des pays... en voie de développement ou sous-développé, comment, je ne sais pas comment les appeler, ou du tiers-monde, aujourd'hui encore, il n'y a que la solidarité familiale qui est forte, il faut le dire, hein, parce qu'ils n'abandonnent pas leurs personnes âgées, qui est seule garante vraiment de la vie des personnes âgées. Alors le mot relève d'une sémantique militaire, la retraite, il faut le savoir. En France, les toutes premières pensions seront versées en 1673 aux marins de la Marine royale. Colbert veut, en créant la Caisse des Invalides de la Marine, fidéliser les meilleurs soldats pour la flotte de guerre. Puis, un siècle plus tard, on distingue invalidité et vieillesse, et le dispositif des pensions est élargi à ceux qui servent la royauté, militaire, administratif, ecclésiastique. La pension de retraite apparaît comme une forme de récompense pour les serviteurs de l'État. On va voir plus loin que ça compte presque le cas aujourd'hui. Par contre, à la Révolution, en 1791, un droit fondamental à l'assistance pour tous est proclamé, mais reste à l'état de principe. Parce que finalement, il n'y a jamais eu de dispositif construit pour les retraites. La notion de retraite va peu à peu... peu à peu, excusez-moi, s'imposer comme un droit social tout au long du XIXe siècle, l'espérance de vie augmente. La natalité décline. L'exode rural disjoint les familles et le nombre de personnes âgées sans secours grandit. Mais les réponses à cette question sont multiples et inégales. En 1853 est créée une retraite des fonctionnaires avec même pension de reversion. Certains patrons sociaux, Gaudin, Michelin, Meignet, créent dans leur entreprise un système d'aide aux ouvriers qui ne travaillent plus. Bénéficient aussi d'une retraite les employés des compagnies de chemin de fer, on le retrouve aujourd'hui, dès 1850. Les mineurs en 1897, les ouvriers des arsenaux en 1909, mais dans une France très rurale, paysans, ouvriers, agricoles, artisans ne sont pas concernés. Et tandis que l'Allemagne de Bismarck a mis en place dès 1883, il ne faut pas l'oublier, un système d'assurance obligatoire pour la maladie et la vieillesse, la Troisième République est de plus en plus souvent interpellée sur ce problème. Entre parenthèses, la première loi sociale qui a pu avoir, c'était celle des accidents de travail, hein, qui a suscité des polémiques incroyables à l'Assemblée nationale. C'était sous la Troisième République. En 1910, la toute première fois, l'idée d'un droit à la retraite universelle prend corps, avec la loi sur les retraites ouvrières et paysannes. Mais la cotisation n'est pas obligatoire. De plus, comme la plupart des régimes, ils fonctionnent par capitalisation. Hein, c'est-à-dire que on acquiert en quelque sorte des points, hein, des sommes d'argent sur les cotisations qu'on verse et qui, on peut l'espérer, va être capitalisé, va être distribué au moment de la retraite. Les sommes collectées sont placées et les intérêts redistribués. L'inflation qui naît avec la guerre rend ce système obsolète. Bien entendu, c'est la faillite complète du système. En 1930, le gouvernement Tardieu institue un régime d'assurance vieillesse pour les salariés modestes. Il est obligatoire et fonctionne en partie par répartition. Les actifs cotisent pour les retraités. Mais c'est après la Seconde Guerre mondiale que le Conseil national de la Résistance crée la sécurité sociale. Il s'inspire du rapport anglais de Lord Beveridge, qui, en 1942, souhaite une protection sociale généralisée reposant sur la solidarité. Pierre Larocque, nommé par le ministre du Travail, Parodi, est chargé dès septembre 1944, c'est-à-dire qu'on était encore en pleine guerre mondiale, de mettre en œuvre le plan français pour garantir, c'est une citation, pour garantir les travailleurs et leurs familles contre les risques de toute nature. Donc la sécurité sociale, ça voulait déjà universelle à cette époque. Et pour les retraites, est adopté le système par répartition, hein, c'est-à-dire que les actifs du moment payent pour les retraités du moment qui eux-mêmes ont acquis des droits par rapport à leur cotisation. C'est une source de solidarité entre les générations. Les bénéficiaires des régimes antérieurs, dits régimes spéciaux, obtiennent de maintenir temporairement puis définitivement leur avantage. De plus, en 1949, les commerçants, artisans, professions libérales, on y est, n'est-ce pas, créent leur propre régime. C'est-à-dire que dès l'avènement de la sécurité sociale, certaines classes sociales, certaines corporations, pourrait-on dire, n'ont pas voulu s'associer directement à un régime général. On a dit quelquefois que les bourgeois n'ont pas voulu se mêler au prolo. Ainsi, en France, le droit à la retraite pour tous s'est construit très lentement, par empilement, par strates successives, avec des différences sur les cotisations, les âges de départ et le montant des pensions, car il est le résultat de plusieurs siècles d'histoire sociale et politique. Voilà, ça t'inspire quoi? Ça m'inspire qu'il faut toujours se pencher sur l'avenir et respecter un petit peu ce que nos anciens, nos ancêtres ont mis en place. On a vu que la construction, elle était progressive, elle était, comme tu l'as dit, par strates. Simplement, les acquis sociaux sont là. Et aujourd'hui, d'un revers de main, tout balayé au nom d'un principe théorique de l'universalité qui n'est pas... Enfin, en tout cas, moi, je n'ai pas été convaincue. quand j'ai entendu les explications de nos dirigeants, j'ai pas l'impression que ce soit véritablement une avancée, une sécurité pour tous. Donc voilà, après, je suis assez sceptique. Il y a plusieurs choses, je crois, dans ce système de retraite. Aujourd'hui, on va parler véritablement réglementation. La première, c'est que de toute façon, le budget de la sécurité sociale est voté aujourd'hui par le Parlement. Donc les parlementaires estiment la progression du budget de la sécurité sociale et contiennent ce budget de la sécurité sociale pour éviter les déficits. Or des problèmes... C'était institué déjà depuis, je crois que c'est date d'une vingtaine d'années à peu près. Hein. Avant, bien sûr, la sécurité sociale était totalement autonome. Hein. Il y avait quand même le ministère de tutelle derrière, hein, qui était à l'époque caractérisé à l'échelon local hein, par les DAS, les DRAS. Direction régionale des affaires sanitaires et sociales. Et puis aujourd'hui, avec les régionalisations, on est passé à l'agence régionale de santé. Donc il y a une redistribution qui se fait, mais qui est de plus en plus restreinte, si on veut, puisque l'ONDAM a été réduit pendant plusieurs années. Le budget des hôpitaux, quant à lui, a été diminué d'une manière assez drastique, hein, par non seulement au sein de cette fameuse ONDAM, c'est-à-dire la masse qui est consacrée à la sécurité sociale, et plus particulièrement à la branche maladie, mais aussi du fait de restructuration d'établissements, de la fermeture de lits, etc., etc. C'est-à-dire qu'on a, au cours des décennies, là, depuis surtout l'avènement du gouvernement de Sarkozy et de son ministre de la Santé, Roselyne Bachelot, donc... inventer un nouveau système de soins qui n'était non plus une dotation globale pour les hôpitaux, ce qui existait auparavant, mais la volonté de discerner à peu près, de faire une cotation des soins qui étaient prodigués. Alors c'est bien gentil cette histoire-là, on pourrait se dire, ben oui, c'est rationaliser les soins en quelque sorte. Seulement le problème, c'est que ça peut être inflationniste au niveau des actes. Mais comme le budget de la sécurité sociale est limité, l'assurance maladie en particulier, et les budgets des hôpitaux représentent 50% de la branche maladie, ben on assiste automatiquement à des difficultés pour le fonctionnement des hôpitaux qui sont de plus en plus serrés financièrement. Hein, enfin, je pense que dans notre magazine Santé, on l'a déjà expliqué. Hein, et puis le plan de santé 2022 qui arrive là, hein, puisqu'il a été voté par l'Assemblée nationale et qui rentre déjà plus ou moins en action, c'est diminuer finalement les capacités de l'hôpital public et de libéraliser de plus en plus les soins. En diminuant, bien sûr, l'accès aux soins, puisque de toute façon, l'hôpital public permet quand même à tout un chacun, ne serait-ce que par le système des urgences, de pouvoir être hospitalisé. Mm-hmm. Et aujourd'hui, ce qui est en perspective, c'est de faire de l'ambulatoire, c'est-à-dire que l'hôpital deviendra un plateau technique où les patients sont opérés dans la journée, renvoyés à domicile avec des soins infirmiers à domicile, par exemple. Ou même de l'hôtellerie, en sachant bien que là, il y aura une part de plus importante qui serait prise par l'assuré social et les mutuelles, et les complémentaires santé, pardon. Voilà, en gros, pour résumer la situation aujourd'hui, pourquoi, le comment. Les retraites en elles-mêmes sont déficitaires par rapport à la démographie, mais très peu, parce que les mesures qui ont été prises au gouvernement Sarkozy, c'est-à-dire le recul de l'âge de la retraite, ont rééquilibré. Récupérer les comptes au détriment, bien sûr, des retraités. Les retraités du régime général et des fonctionnaires. Parce que les fonctionnaires sont déjà passés à la casserole. Mmh. Hein, c'est-à-dire qu'ils ont vu leur statut peu à peu s'effriter, et en particulier par rapport au départ de l'âge de la retraite. Mmh. Alors qu'on pourrait dire, et les fonctionnaires le disaient, bah, c'était dans le contrat de travail, en quelque sorte, hein, cette histoire de retraite. Mm-hmm. Je sais bien que personnellement, quand je suis rentré, à la poste, au PTT de l'époque, il y avait déjà dans la perspective aussi de dire, ben, j'aurai la retraite, je pourrai avoir la retraite à 55 ans. Mm-hmm. Hein, c'était vraiment dans le contrat de travail. Mm-hmm. C'est-à-dire que quand la poste recrutait, enfin la poste des PTT de l'époque recrutait, c'était prévu déjà la retraite. Mm-hmm. C'était déjà prévu la retraite. Mm-hmm. Et tout ça, Sarkozy a bouleversé, enfin les gouvernements successifs, en particulier Sarkozy, a bouleversé ce système et puis a dit, ben, les fonctionnaires, ben, ils partiront en retraite dans les mêmes conditions que le régime général. Hein, alors il y a eu effectivement, parce que on voit mal aussi comment qu'on passe d'un régime à l'autre, hein, d'une situation à une autre, comme ça, quoi. Ça a créé quand même pas mal de problèmes, surtout qu'en plus il y avait des services publics qui dégraissaient les effectifs. Donc il y a eu des pré-retraites, des pré-retraites progressives qui se sont mis en place. Mais il y avait une volonté là de travailler plus pour gagner moins, quoi, en somme. Et même au niveau de la retraite, et donc les 168 trimestres qui étaient exigés, hein, qui devraient se transformer en 173 à terme, c'est quand même assez énorme quand on sait aussi que les jeunes prennent leur retraite, prennent l'activité professionnelle de plus en plus tard. L'activité est puis de plus en plus heurtée, on pourrait dire. C'est clair. Je voudrais juste revenir, tu parlais de l'accès aux soins. Quand on met en perspective le montant d'une retraite avec une carrière classique, hein, sans forcément avoir eu des embûches ou des obstacles, mais quand tu mets ce montant-là face au coût d'une maison de retraite, d'un EHPAD, on voit bien le décalage. On voit bien que le minimum vieillesse, il est aux alentours de 800 euros. Je crois qu'ils veulent le monter à 900. Voilà. Il sera parti à 900. 900 à partir de 2020. Bon, à voir. Et quand on sait qu'une maison de retraite, en dessous de 2000 euros, c'est compliqué de trouver quelque chose. Alors, il peut y avoir des aides complémentaires pour les plus démunis, mais c'est quand même très marginal. Allocation logement dont M. Macron voudrait voir la fin, d'ailleurs. C'est ça. Donc, on doit diminuer les prestations. On paupérise la population. Et ça veut dire que tu parlais aussi donc, de certains pays en voie de développement, mais où la solidarité familiale est importante. C'est plus toujours le cas aussi dans nos pays dits civilisés, enfin, en tout cas nos pays industrialisés, où la cellule familiale n'est pas toujours là pour s'occuper des aînés. Les logements ne sont pas adaptés non plus. Les logements ne sont pas adaptés. Ajoutez à ça une retraite, je suis désolée, de misère ou largement insuffisante, qu'est-ce qui va se passer à la retraite? Et on va tous, si on a la chance de vieillir, on va tous y passer quand même. Et alors, cette retraite par points que le gouvernement nous présente comme une justice sociale, c'est loin de l'être, parce que pour une bonne raison. La première, c'est qu'il faut voir, il faut comprendre un petit peu le mécanisme qui conduit le gouvernement actuel à promouvoir cette retraite par points. La première, c'est que le gouvernement actuel veut contenir à 14% du PIB. Bon, on peut discuter longtemps sur ce qu'est le PIB, hein, le produit intérieur brut. À 14% du PIB, donc le montant des sommes versées pour les retraites en général. Hein, sans s'occuper pour autant de savoir comment, pourquoi, quel régime, etc., un déficit ou pas un déficit. Bon, elle a donc 14%. Quand on sait que le nombre de retraités va augmenter par rapport au nombre, et puis le nombre d'actifs forcément diminuer, on ne cherche pas une solution, là. On cherche simplement un système où on ramène tout le monde à une base minimum de retraite, et cette retraite serait calculée par points. Alors, on va me dire, mais la retraite complémentaire, aujourd'hui, des salariés, hein, du régime, dans le régime général, qui était d'abord des cotisations volontaires, est devenue un instrument de retraite comme un autre, puisqu'elle était considérée par l'Europe comme une prestation de sécurité sociale, de solidarité. Hein, puisque c'était basé sur un système par points, mais qui relevait du salaire, etc. Et puis que le régime était obligatoire. Hein, contrairement au complémentaire santé, qui n'était pas d'un régime obligatoire, qui elle était considérée comme une prestation assurantielle par l'Europe. Donc aujourd'hui, cette idée de ramener une valeur de points universelle, est-elle juste ? On pourrait le penser à première vue, en réalité, ce n'est pas du tout ça, parce que pour une bonne raison, ce sera toujours basé sur le revenu de la personne. Et sur toute une carrière. Toute une carrière, tandis qu'aujourd'hui, pour le régime général, du moins, la retraite du régime général de la sécurité sociale, c'est aujourd'hui sur les 25 meilleures années. Une petite parenthèse, au départ, dans le dispositif de la sécurité sociale, les retraites, c'était sur les 10 meilleures années. Il est vrai qu'à l'époque, on mourait beaucoup plus tôt, hein, l'espérance de vie était moindre. Il n'empêche que ça a diminué fortement le niveau des retraites. Et ça a pénalisé en particulier les femmes qui avaient une carrière soit incomplète, soit un peu pointillée. Ou simplement qu'elles avaient des salaires beaucoup inférieurs. Et on voit ici, par exemple, dans le textile, des personnes retraitées du textile, des femmes qui n'ont pas travaillé la nuit. Hein, la plupart, c'était pas le travail de nuit autorisé depuis quoi, une vingtaine d'années à peu près, à des femmes. Parce qu'il y avait un supplément de 30% dans le textile. Je cite l'exemple du textile parce que c'est quand même le plus révélateur de ce qui s'est passé dans les Vosges, hein, oui, puisqu'il y avait plus de 40 000 encore, dans les années 60, 40 000 salariés du textile, aujourd'hui il n'y en a plus que 4 000. Et ces personnes-là, hein, malgré qu'elles ont travaillé quelquefois 45 ans, se retrouvent avec des retraites de misère, bien véritablement sûr. De misère, puisque leur revenu était inférieur. Et on calculait sur les 25 meilleures années au lieu des 10 meilleures années. Alors que dire demain pour des personnes où toute la carrière va être prise en compte ? Là encore, les femmes vont être largement défavorisées. On va vous dire, ah ben oui, mais attendez voir, les années manquantes seront compensées par 5% environ de bonification. Mais c'était déjà le cas aujourd'hui, puisque une femme avait 2 ans pour... par enfant de cotisation gratuite. Donc, il n'y aura pas de progrès sensible. Par contre, sur l'ensemble d'une carrière, et malheureusement, les salaires féminins, on sait ce que c'est, hein, c'est-à-dire qu'ils sont 30%, 25 à 30% en moyenne inférieurs à celui des hommes. Mettons à côté de ça des périodes peut-être de travail à mi-temps, des emplois déqualifiés, parfois... etc. On se retrouvera, oui. les femmes seront encore plus défavorisées qu'aujourd'hui. Oui. Alors, on va dire aussi qu'on va instituer un minimum de retraite à 1 000 euros. Pour 2021 pour ou 2022. D'ici là. Et si on pense que le seuil de pauvreté est à 1027 euros aujourd'hui, on voit quand en même que c'est en dessous du seuil de pauvreté. Donc on va rajouter un petit peu, c'est vrai. Et encore 1000 euros, soulignés, ils étaient soulignés, pour une carrière complète. C'est ça. Donc s'il y a des mi-temps ou autres, on trouvera comme aujourd'hui des retraites des féminines, par exemple, qui seront bien en dessous des 1000 euros. Donc il n'y aura rien de changé, il n'y a aucune justice qui est instituée par ce système universel, puisque c'est basé sur le revenu de toute une activité pendant toute la vie active. Et puis, le principe de l'universalité et le principe d'égalité, c'est pas traiter toutes les personnes ou toutes les situations de la même manière. Pour respecter le principe d'égalité, à situations différentes, traitements différents, justement. On ne peut pas niveler comme ça en disant, allez hop, il y a tout le monde au même régime. Forcément, il y a des disparités, il y a régime des spécificités. Aura des pâquerettes. Voilà, déjà, au régime aura des pâquerettes, et de façon complètement inégalitaire. Puisqu'on ne traite pas les situations différentes ou particulières de façon différente. Donc, pour moi, c'est un leurre, ce système universel et égalitaire. Il n'y a rien de plus inégalitaire que de traiter toutes les situations de la même manière. Il est universel, mais pas égalitaire. Du tout, ouais, du tout. Faut, au contraire, tout. Il est plus inégalitaire que le système qu'on quitte aujourd'hui. Même pour les salariés modestes, pour les salariés du régime général, il sera beaucoup plus inégalitaire. Et il ne sera pas universel. Ce qui se passe, il va quand même y avoir, pour compenser ces inégalités... un abattement par rapport au salaire supérieur. Hein. Alors, il y a un système très compliqué qui se met en place. C'est vraiment une usine à gaz. Mais ce qu'on sait aujourd'hui, ce qu'on peut appréhender aujourd'hui par rapport à ce système dit universel à points, c'est que certaines professions vont être défavorisées, mais pourront pourront acquérir une retraite complémentaire. Mais à quel prix sur... À quel prix? Ah ben, ils pourront acheter des points, certainement, oui. pas trop cher. Pas trop mais cher, ça va favoriser des régimes. Des régimes non plus par répartition, mais par capitalisation. Bien sûr, de l'assurance. Et tout doucement, par ce biais-là, hein, on le voit aussi pour l'assurance maladie aujourd'hui par rapport aux assurances et aux mutuelles, on va grignoter le système actuel universel par répartition pour fonder des régimes par capitalisation qui viendront alimenter la bourse, en gros. Oui, c'est ça. Et encore voilà, faut-il pouvoir s'assurer. Voilà ce qui est. D'ailleurs j'en parlerai aussi lors d'une chronique. Il y a une Légion d'honneur qui était attribuée à un personnage qui est à la tête d'un fonds de pension. Un fonds de pension, je crois, en plus, qui a des liens avec les États-Unis aujourd'hui. Et le pouvoir en place attribue la Légion d'honneur. C'est quand même symbolique, n'est-ce pas? Je pense quand même qu'à travers ce nouveau système, on veut aussi... favoriser un système où on pourra acheter des points, ceux qui auront les moyens d'acheter des points, et qui sortira du régime de la répartition pour aller vers un régime de capitalisation. Oui, hein, au détriment de la solidarité. Voilà. Toujours. Et là, il n'y a plus de solidarité. D'ailleurs, le régime par points, quand on regarde bien les choses, c'est un régime quand même individualisé totalement. Aujourd'hui, le régime était en quelque sorte individualisé par rapport au seul revenu. Là, ce sera individualisé par rapport à toute une carrière, par ce système à points. Et puis, il y a redisparition, bien sûr, des retraites complémentaires, puisque, de toute façon, tout l'ensemble de la retraite, qui représente à peu près 70%, faiblement, hein, parce qu'on a augmenté de plus en plus les cotisations sociales sur les régimes de retraite. Ce système-là, donc, va vers une diminution progressive des 70% à peu près aujourd'hui de restitution du revenu au moment de la retraite, certainement vers les 65-60%. C'est-à-dire qu'on va diminuer, de toute façon, la rentabilité du système et la redistribution sous forme de retraite. Bien sûr. Pour nous, la réforme va conduire à une diminution de 30% de la pension de retraite. Quand on sait que notre pension de retraite est en moyenne de 1 430 €, même si on a cotisé toute notre vie et que là, on enlève 30%, ce qui fait que c'est une coupe sombre qui n'est pas tolérable, qui n'est pas admissible. Donc on est en train de diminuer également 1 000 € pour tout le monde ou des diminutions drastiques. Ça devient inacceptable. Et puis une augmentation énorme des cotisations. Nous, c'est le doublement. C'est clair, c'est de 14% environ aujourd'hui à 28%. Dès lors qu'on est dans la tranche de bénéfices de 40 000 euros. Donc du coup, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a toute une frange de cabinets d'avocats qui sont concernés, notamment ici, nous, dans des barreaux que je qualifie de ruraux, parce qu'on n'est pas dans des grands barreaux, on n'est pas à Paris. Et il va y avoir soit des disparitions pures et simples de cabinets, donc quand on parle de l'accès au droit, ça pose problème, ou des répercussions sur les honoraires, forcément, puisqu'à un moment donné, pour survivre et payer nos charges, on sera bien obligé d'augmenter les honoraires. Et là aussi, par rapport aux justiciables, c'est injuste et c'est intolérable, puisque beaucoup de personnes ne pourront plus, entre guillemets, se payer un avocat. Donc on va complètement à l'inverse de ce que nous... De l'accès au droit. Nous faisons des missions de service public, on prend l'aide juridictionnelle, on assure des permanences pénales, on est désigné pour certains aussi au civil. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, toute cette mission-là d'aide aux moins favorisés, on va dire, eh bien celle-là, elle disparaît. Et simplement et fait une... Quand on connaît les taux de l'aide juridictionnelle... Oui, déjà, on s'est battu pour la revalorisation de l'UV, l'unité de valeur. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a été obligé aussi de se battre parce qu'elle n'est pas revalorisée, parce qu'on considère... Mais d'un autre côté, ça fait partie du principe de solidarité. Ça, on l'oublie beaucoup. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on accepte pour plein de missions, et on en est fiers, je ne reviens pas là-dessus, d'aider les plus défavorisés. Sauf qu'à force d'être saigné de part et d'autre, à un moment donné, on ne pourra plus. on ne pourra plus assurer ce système-là et on ne pourra plus non plus assurer les charges de nos cabinets. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce n'est pas un combat de nantis, ce n'est pas un combat de privilégiés. On ne s'arc-boute pas sur des faux privilèges qu'on pourrait avoir parce que ce n'est pas le cas du tout. On veut juste du respect, on veut juste qu'on reconnaisse que l'avocat fait sa mission correctement, mais pas à n'importe quel prix, et qu'aujourd'hui, avec cette réforme, on va à la catastrophe. Voilà, on va s'accorder une pause musicale. Tu as choisi, oui, j'ai un chant révolutionnaire. Historique et révolutionnaire italien. Oui, j'ai choisi Bella Ciao parce que je trouve que c'était un chant au départ qui n'était pas utilisé pour la résistance, qui a été ensuite, les paroles ont été réécrites. Et pour moi, c'est un cri de ralliement et j'ai choisi Yves Montand pour le chanter puisque quand même un grand artiste. D'origine italienne. D'origine italienne, oui, c'est vrai. Una mattina mi son svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morir. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellir. Mi seppellirai là su in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Mi seppellirai là su in montagna, sotto l'ombra di un bel fior. E la gente che passerà, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E la gente che passerà e dirà, oh che bel fior. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Ciao. Et ben voilà notre plaisir à retrouver Yves Montand avec cette chanson, voilà de. En quelque sorte révolutionnaire et qui est chanté aussi dans les cortèges, hein, qui, voilà, dans les cortèges contre la réforme des retraites. Alors, j'aurais quand même parlé un petit peu du déficit de la sécurité sociale pour bien montrer, parce que de toute façon, même les régimes autonomes, hein, comme celui des avocats, est dépendant de la sécurité sociale. Hein, tu l'as démontré à l'instant, hein, directement. Et les avocats reversent à la sécurité sociale des excédents aujourd'hui. Entre 80 et 100 millions par an. Hein, donc, enfin, puisque, on cotise pour là, être on a par affaire solidarité. À une profession qui est jeune. Qui a une démographie quand même très favorable. Oui, pour le moment, oui. Pour le moment, du moins, on va y revenir. Et donc, tous ces régimes, qu'ils soient autonomes, spéciaux, etc., on a mis maintenant spécifiques au moins pour des départs de l'âge de retraite, sont quand même dans un ensemble qui s'appelle la sécurité sociale, la protection sociale en France. Alors, le déficit de la sécurité sociale est fabriqué toute pièce. Il n'est dû qu'à la non-compensation des exonérations que le gouvernement a seul décidé en désaccord. 13 organisations syndicales ou associatives ont dénoncé cette situation. Au lendemain de l'élection du président Macron, le ministre Damarin annonçait la couleur. Pour les gens, cotisations, impôts, tout ça c'est pareil. Ce qui est complètement stupide. Hein. Mais enfin, quand on veut tuer la sécurité sociale, on dit ça, quoi. Et quelques mois plus tard, il précisait ses intentions alors que se rétablissaient les comptes du régime général. La sécurité sociale n'a pas vocation à faire des bénéfices. Ben, heureusement. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 va ainsi organiser le transfert des éventuels excédents des caisses vers l'État pour réduire son propre déficit. C'est-à-dire qu'on hold up la sécurité sociale pour rétablir le budget de l'État. Le moyen trouvé, diminuer le montant de la compensation des exonérations de cotisations. Parce que bon, les gouvernements successifs ont souvent exonéré de cotisations, par exemple les employeurs, hein, ou bien telle ou telle prestation. Et là, les syndicats se sont indignés du procédé. C'est la première fois qu'on remet en cause le principe d'un financement exclusif et affecté à la sécurité sociale. Parce qu'il y a des budgets aussi affectés, hein. Il y a le tabac, il y a l'alcool, etc. Il y a des vignettes qui sont affectées directement à la sécurité sociale. Or là, on mêle le budget de la sécurité sociale avec celui de l'État. Alors, la loi de financement de la sécurité sociale prévoit des recettes et des objectifs de dépenses, contrairement aux lois de finances, qui fixent les plafonds de dépenses. La dette de la sécurité sociale est remboursée par les assurés sociaux, caisse d'amortissement de la dette sociale, fameux CSG, CRDS, etc., qu'on a sur les bulletins de salaire ou ailleurs. Et donc, la dette sociale, c'est le fameux CADES, et non par l'État. Alors, on est dans le paradoxe où l'État décide d'exonération de cotisations pour des tas de choses, y compris dire les heures supplémentaires, les exonère de cotisations, etc. Ce qui est un non-sens, hein, par rapport au chômage. Et puis ça, ce n'est plus compensé par l'État, alors que la loi Veil de 1980, la loi... Je cherche la date, hein, c'était donc 94. 94 prévoyait forcément, obligeait l'État à compenser les exonérations qu'elle décrétait. Hein, c'est-à-dire, s'il y a un manque à gagner de la sécurité sociale, parce que l'État a décidé d'exonérer de cotisations, je ne sais pas, telle profession, ou en général, comme aujourd'hui, qu'on accorde 42 milliards aux entreprises, hein, voire plus, ça sera plus compensé, c'est la sécurité sociale qui va payer ce manque à gagner, en quelque sorte, qui va éponger ce manque à gagner. Donc on se retrouve à deux niveaux, si on veut. La première, c'est il faut limiter, selon le gouvernement, selon les financiers, le budget des retraites à 14% du PIB. Et puis, d'un autre côté, la sécurité sociale qui, bien sûr, alimente dans une de ses branches les cotisations en retraite, est mise artificiellement en déficit par cette non-compensation de prestations par l'État. Voilà. Voilà, en gros, la situation actuelle. Donc, on comprend mieux pourquoi cette volonté d'avoir... De développer ce fameux régime de retraite par points qui sera un régime de base. Et à côté de ça, pourquoi ne pas développer des nouvelles retraites complémentaires qui ne seraient plus basées sur la solidarité, mais sur la capitalisation. Oui, où on oblige les retraités à travailler avec le cumul emploi-retraite, parce qu'à un moment donné, quand vous avez une retraite de 1 000 euros, vous ne pouvez même pas payer votre loyer, vous ne pouvez pas payer vos charges, sans parler encore une fois des EHPAD. Donc ça veut dire qu'on s'achemine tout doucement. Alors on riait, on était un peu moqueurs des États-Unis quand on voyait des personnes de 80, 85 ans qui occupaient des postes au McDo ou ailleurs. Enfin, je caricature, mais aujourd'hui, on vient à ça. On a, nous-mêmes, au sein du barreau, on a des avocats qui, aujourd'hui, cumulent leur emploi et leur retraite. Parce que si on a encore des enfants en études ou si on a encore des charges, de toute façon, le complément est le bienvenu. Donc on s'achemine tout doucement vers ça. Mais quand on dit ça, ça veut dire qu'on s'achemine tout doucement vers une absence de droit à la retraite. Ça veut dire que quand on commence dans la vie active, on ne s'arrête plus jusqu'à notre mort ou jusqu'à ce que la santé nous permette de continuer. Donc ça aussi, c'est une justice sociale. Je ne crois pas, hein. Et puis, je pense quand même qu'il faut situer ce problème de retraite des avocats, de cotisation de retraite et de retraite des avocats, beaucoup plus généralement, parce qu'on s'aperçoit quand même que le gouvernement actuel veut restreindre le droit des justiciables à la justice aujourd'hui. Oui, on sent et donc, bien que... Et donc, les avocats sont trois. Tout à fait, voilà. On sent bien qu'au fil des réformes, on a tendance à nous marginaliser. On veut, soi-disant, désengorger les tribunaux. En fait, ce qu'on veut, c'est que les procédures aillent plus vite, mais sans véritablement respecter le principe du contradictoire, le rôle de l'avocat, et qu'on... Ça chemine tout doucement vers des algorithmes. On veut de plus en plus... Sans pour autant gagner dans les délais. Mais le problème, c'est que ce que nos dirigeants n'ont pas compris, c'est que c'est très bien d'utiliser l'informatique, de faire des requêtes en ligne, de faire des choses comme ça. Mais le conseil, la valeur ajoutée de l'avocat, c'est-à-dire l'accompagnement, le conseil, l'explication, la technicité, parce qu'il faut dire quand même que d'un autre côté, le droit devient de plus en plus complexe, les matières se diversifient, se complexifient, donc ce qui fait qu'aujourd'hui, on est en train de créer un paradoxe où tout est possible pour tout le monde sans avocat, et en réalité, on va véritablement dans le mur, parce que l'avocat est quand même là, justement, pour appuyer les demandes des justiciables, pour les accompagner et pour définir des stratégies de défense ou des opportunités de procédure. Donc ça, le gouvernement, apparemment, ne veut pas l'entendre. Dans la réforme de la procédure civile qui est en cours, alors j'insiste, c'est une réforme qui est issue de la loi de programmation pour la justice, d'une loi du 23 mars 2019. Le premier décret, je crois qu'il y en a 69 de prévus, hein. Le premier décret est tombé le 11 décembre, et puis entre les fêtes, pour une application des trois quarts des dispositions, il n'y a que pour le divorce où ça a été différé au 1er septembre 2020, et encore, ce n'était pas sûr, on l'a su que tardivement. Aujourd'hui, un certain nombre de dispositions de réforme en profondeur de la procédure civile, un certain nombre de dispositions sont applicables dès le 1er janvier 2020. Sauf qu'on n'a pas le recul, il y avait des coquilles dans les décrets, on n'a pas d'éléments, on nous demande par exemple de demander des dates par voie électronique. À qui, comment, on n'a pas d'adresse mail dédiée, enfin... Il y a des tas de choses pragmatiques qui n'ont pas été encore véritablement établies. Donc, on est dans un flou artistique énorme. Alors, comme d'habitude, on va se former, on va travailler les textes, on sera prêt. Mais ça veut dire que de plus en plus, la profession est malmenée. Et au lieu de simplifier, au lieu d'aider justement l'accès au droit, moi j'ai l'impression qu'on est en train de le paupériser et créer des obstacles là où il n'y en avait pas. Donc effectivement, nous avocats, alors je ne parle pas pour tous les avocats, mais moi j'ai le sentiment profond qu'on ne veut plus d'avocats. Au sens où on fait notre mission. En sachant bien quand même qu'à contrario, les personnes pour se défendre seules ou bien par exemple en matière prud'homale des délégués syndicaux sont complètement désarmés devant ces nouvelles procédures qui sont particulièrement complexes. Bien sûr, on veut aussi supprimer donc la deuxième voie de juridiction, c'est-à-dire l'appel, en instaurant un système, un principe d'exécution provisoire systématique et de droit pour toutes les décisions. Donc ça veut dire que l'effet suspensif de l'appel qui était dans certaines matières véritablement important et utile, eh bien là, on pourra y déroger de façon exceptionnelle, mais on veut également supprimer le deuxième degré de juridiction. Alors, supprimer les procédures. On a des procédures qui, au départ, étaient orales, qui pourront se faire de façon purement par dépôt de dossier. Alors, peut-être que dans certains cas, ça peut être justifié. Je ne jette pas tout, mais je pense qu'il faut véritablement travailler au cas d'espèce. Et comment expliquer... Il arrive un moment quand même où la justice... se passe sur dossier et non pas publiquement avec bien sûr la possibilité pour le justiciable de se défendre, par exemple. Bien sûr, de se défendre dans les procédures civiles, d'être écouté. Combien de clients nous disent, quand ils passent devant le juge aux affaires familiales ou devant une audience civile, nous disent « mais j'ai pas eu le temps de m'exprimer ». Alors c'est sûr que quand ils ont un avocat, le porte-parole, de principe, c'est l'avocat. Mais aujourd'hui, vous pouvez interroger un certain nombre de personnes. Ils vont vous dire « la justice, elle est inhumaine, elle va trop vite, c'est de l'abattage ». Enfin, elle va trop vite, pas au sens des délais. Elle est trop lente dans les délais, mais elle va trop vite dans le sens où l'audience passe et finalement, on n'est pas entendu. Et on s'achemine vers un fossé, à mon avis, entre les justiciables et la justice, parce qu'aujourd'hui, au lieu de mettre des courroies de transmission qui sont les avocats, hein, finalement, les auxiliaires de justice, parce que on n'est pas le service public de la justice, bien évidemment, mais on y contribue largement et on est auxiliaire de justice, eh bien, aujourd'hui, on voit bien qu'on veut nous mettre un petit peu sur la touche. Alors, moi, c'est la question que je pose. Est-ce qu'une société démocratique peut perdurer sans avocat ? Bien sûr, parfois, on est encore les garde-fous de certaines dérives. On est parfois... très attaché à notre liberté d'expression et à notre indépendance, hein, encore une fois, parce que pour c'est, être... c'est l'un des garants de la démocratie, finalement. Mais c'est ça. D'ailleurs, c'est pas pour rien que dans certaines dictatures ou dans certains pays en voie de d'autoritarisme, on pourrait dire que on écarte un petit peu les avocats et puis bien sûr on fait pression sur les juges pour prendre des décisions dans le sens du pouvoir. Mais c'est ça. Et la séparation des pouvoirs est quand même la désignation des juges d'ailleurs se fait quelquefois directement par le pouvoir. De toute façon ça. Ça n'est pas le cas en France, mais il faudrait interroger les magistrats parce que là je serais plus à même de vous répondre. Mais c'est vrai que aujourd'hui on s'achemine vers un système qui, moi, me déplaît, parce qu'on n'a plus cette sensation que l'état de droit va être respecté, et la démocratie, qui est quand même le principe même de l'état de droit, sera respectée. Donc c'est problématique à tous les niveaux. Et là, pourquoi les avocats sont aujourd'hui dans la rue ? Parce que certains s'étonnent en disant d'un seul coup, ils sont dans les cortèges. Parlons de la rue. Voilà, dans la rue. Et hier, je voudrais juste insister, parce qu'on était plus de 2000 à Épinal, ça m'a fait chaud au cœur, parce que quand on est arrivé place Foch, beaucoup de personnes nous ont applaudi. Et je ne cache pas que j'ai été très surprise, parce qu'il y a ce complexe, on va dire, où on nous dit, vous êtes des nantis. Mais non, ce n'est pas vrai. Les gens ont compris nos revendications. Aujourd'hui, on est dans la rue, non pas pour faire bien, non pas pour faire une figure du style, on est dans la rue parce que véritablement, trop, c'est trop. Et c'est la réforme de trop. Donc, on est solidaires des autres mouvements, bien évidemment. Et je crois qu'on aurait dû être même 10 fois plus dans la rue, parce qu'on est tous concernés par la retraite. Donc, aujourd'hui, c'est pas un combat. Déjà, c'est pas un combat qui s'arrêtera, parce que si le gouvernement est déterminé, nous, on est véritablement obstinés. Alors, à l'heure où je vous parle, les tractations entre nos instances représentatives et la garde des Sceaux sont en cours, puisque un rendez-vous est prévu lundi à 11h, donc à Paris, entre Madame Belloubet et des représentants, notamment du Conseil national des barreaux, Madame Ferralschul, et sans doute la conférence des bâtonniers. D'ailleurs, la conférence des bâtonniers a lancé un mot d'ordre pour que nous puissions être solidaires en direct de ce rendez-vous par un rassemblement sur le parvis du Palais de justice, donc place Edmond-Henri, à 11h, de tous les avocats pour pouvoir justement affirmer notre soutien. Et nous aurons également à la Maison de l'Avocat dans la journée du lundi 13 une assemblée générale extraordinaire à l'issue donc des négociations qui auront, en tout cas du rendez-vous, je ne sais pas si les négociations sont véritablement ouvertes, mais en tout cas du rendez-vous de nos instances avec la garde des Sceaux, à 15h30, on décidera si oui ou non on reconduit la grève. Donc ça, pour le moment, alors on verra, je pourrais vous en dire plus un peu plus tard. Donc je souligne simplement que, bien sûr, cette émission est enregistrée, hein, c'est pour les besoins de la technique, c'est vrai, et que là, on pourra faire le point lors d'une prochaine émission, donc, parce qu'on s'accorde à un magazine santé, comme magazine santé par mois, donc sur les actions qui ont pu avoir lieu ces semaines décisives, on pourrait dire, par rapport aux retraites. Hein. C'est ça. Voilà. Mais là, je crois que vraiment, c'est la première fois dans l'histoire que les avocats sont à la fois vent debout contre la réforme du système judiciaire, hein, mais aussi contre, bien sûr, leurs intérêts propres, qui est celui du droit à la retraite, du droit à avoir un régime autonome, excédentaire aujourd'hui. Intérêts propres, mais qui ont des conséquences sur les justiciables, encore une fois. Hein, puisque, effectivement, à partir du moment où on paupérise et on bâillonne une profession, ce n'est pas sans conséquences sur les justiciables et sur la population tout entière et sur les citoyens de façon générale. Alors, Dans un interview, Gérard Belzer, en particulier, disait que on risquait de voir disparaître énormément d'avocats, de petits cabinets d'avocats, parce que finalement, étant donné les contraintes nouvelles, il sera pas tenable. Les plus importants qui puissent subsister, quoi. Oui. On se retrouve un petit peu, mais pas de la même manière, parce que là, c'était un problème de numerus clausus, la situation des médecins qui, aujourd'hui, sont de plus en plus rares. Oui, on va avoir des déserts juridiques. Qui est caractérisée par la rareté aujourd'hui, parce qu'on a maintenu pendant des années, un numerus clausus qui n'avait pas lieu d'être, du moins au niveau où il était, quoi. On va avoir des déserts juridiques, comme on a des déserts médicaux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle de... Ils ont chiffré à peu près 20% au niveau de la moyenne nationale de cabinets qui vont disparaître. Sauf que nous, il faut quand même tenir compte de la répartition des avocats dans les barreaux, encore une fois, ruraux. Et nous, ça va être 40%. 40% de cabinets qui risquent de disparaître. Donc, c'est pas anodin, c'est pas quelque chose qui est à la marge. Donc, c'est fortement cette mobilisation est véritablement une mobilisation pour l'avenir de la profession et pour nos jeunes. Parce que qu'est-ce qu'on va dire aux étudiants en droit ? On va leur dire oui, venez, venez. Alors, les études de droit mènent à des tas de professions, pas qu'au barreau, on est d'accord. Mais comment on va pouvoir tenir un discours ? Voyez, moi, lundi, j'ai deux petits stagiaires, enfin, deux, c'est pas péjoratif, au contraire, c'est affectueux. Deux stagiaires de troisième et de seconde. Des filles. Qui vont venir. Alors, non, une fille et un garçon, ah oui. Alice et Paul, qui vont venir dans mon cabinet en stage d'observation pendant 3 jours pour l'un, 5 jours pour l'autre. Et je fais quoi, moi ? Alors, on est en plein dans la grève. Je vais leur expliquer aussi, parce que ça fait partie d'un aspect de notre profession, ce combat. Mais vous croyez que je vais susciter des vocations ? Je crains qu'à l'issue de leurs études, ils vont dire tout sauf le droit. Donc, alors qu'on est fiers de notre métier, alors qu'on est passionné par notre métier... Ça représente quand même 5 ans. 5 ans d'études. Alors, minimum, parce que quand on parle de 5 ans, minimum. Master 2. Dans ton cas, 7 ans, 8 ans. Moi, je suis à 9, 10. 10 ans d'études. En fait, le Master 1 permet de passer l'examen, effectivement, du barreau, mais la plupart des étudiants ont un Master 2, c'est-à-dire 5 ans. Ensuite, quand vous faites une thèse, comme je l'ai fait, c'est 3 ans minimum. Hein. 3 ans. Donc, 3 ans minimum, en général, c'est 3-4 ans. Et puis ensuite, vous avez encore l'année de formation pour obtenir le CAPA, le certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Donc on est à 10 quand on fait une thèse. Donc des études longues, des études certes très intéressantes, très enrichissantes intellectuellement, mais des études quand même. Pourquoi aujourd'hui on commence à travailler à 25 ou 30 ans dans notre profession ? Ça compte aussi pour la retraite. C'est pas qu'on s'est reposé pendant toutes ces années, c'est qu'on n'a pas pu entrer dans la vie active puisqu'on faisait des études. Ça aussi, il faut en tenir compte. Évidemment qu'on n'a pas commencé comme certaines autres professions qui ont d'autres contraintes, la pénibilité ou d'autres problèmes, mais on n'a pas commencé à 14 ans. On commence en moyenne à 26-27 ans. Donc aujourd'hui, ça aussi, il faut en tenir compte. Et puis, c'est une profession qui s'est féminisée quand même. Donc, c'est des accès en moins des professions pour les femmes, puisque si la profession d'avocat diminue en effectif, c'est sûr aussi que c'est des débouchés aussi pour les filles qui sont... Surtout que c'est une belle profession et c'est une profession véritablement intéressante. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, une jeune fille ou un jeune homme qui passe le bac ne pensera même pas à s'orienter dans les métiers, enfin au barreau en tout cas. Voilà, on va s'accorder une dernière pause musicale. Alors j'ai choisi, il est suisse, donc ça va être la neutralité, mais en même temps j'ai choisi donc Stéphane Escher, avec combien de temps ? Parce que si le bras de fer a commencé avec des dirigeants qui sont véritablement obstinés, parfois j'ai envie de dire butés, excusez-moi, mais nous aussi, on sera déterminés jusqu'au bout, donc combien de temps va continuer cette lutte, je n'en sais rien, mais on sera véritablement bien décidés à la poursuivre. Thank you. question futile, je réponds au hasard. Combien de temps, combien de temps, si on reste face à face sans un mot, sans une dame qui passe. Combien de temps, et je vois, et je suis sous de toi. Combien de temps, si on reste face à face sans un mot, sans une dame qui passe. Voilà, cette émission, bien sûr, c'est toujours trop court dans les délais pour faire vraiment le tour du problème des retraites, et puis plus particulièrement, bien sûr, des retraites des avocats, de l'accès à la justice, etc. Parce que, évidemment, quand on touche à un système quelconque, ça a des conséquences en amont et en aval. Hein. Et donc, on voit bien que à la fois pour les avocats, c'est le système judiciaire, et puis bien sûr le système de la caisse autonome qui est remis en cause, et c'est vraiment très dommageable pour cette profession. Voilà, merci Nancy. Merci Michel. On va se donner rendez-vous le mois prochain, hein, le premier mardi du mois de février. Là, je crois qu'on pourra parler du conseil de prud'homme. Avec grand plaisir. Hein. Oui, parfait. Avec, je pense, un conseiller prud'homal qui est en cours en activité aujourd'hui, qui pourra venir quand même faire un tour dans nos studios. À voilà. Bientôt. Au revoir. À bientôt.